Deux ou trois choses que je sais d'elle me laissent croire que je vais l'aimer. Deux ou trois choses qui me plaisent beaucoup forgent déjà des promesses entre nous. Deux ou trois choses que je sais d'elle sans même l'avoir jamais rencontrée m'ont fait lever dès le soleil ce matin et sauter dans le premier train. Personne encore à ce jour ne m'a donné l'amour, l'amour que j'attends. Mais depuis qu'on m'a parlé de cette fille-là, un grand espoir est né en moi. Deux ou trois choses que je sais d'elle me laissent croire que ça marchera. Deux ou trois choses qui n'ont de prix que pour moi. Mais l'amour n'est fait que de ça. Je n'ai pas vu sa photo, pas entendu un mot de sa voix. Mais qu'elle ressemble à mon rêve, et parmi des milliers, je vous parie de la trouver. Deux ou trois choses que je sais d'elle me disent qu'il suffit que l'on se voit pour que l'on se reconnaisse au même instant comme des amis de très longtemps. Deux ou trois choses que je sais d'elle sans même l'avoir jamais rencontrée m'ont fait lever dès le soleil ce matin et sauter dans le premier train. Et sauter dans le premier train.